Salut à tous et bienvenue au premier épisode de À temps perdu. Je suis présentement avec Louis Filiatro Salut. et Louis Filiatro est présentement avec moi, Notre hôte. Gabriel Bouvier-Pelletier. À temps perdu, c'est une émission qu'on a conçue parce que ça fait longtemps qu'on se connaît et qu'on a souvent des discussions à propos de films qu'on a vus, de jeux vidéo. De Louis? musique qu'on a écoutée, d'endroits où on a été. Essentiellement, on se parle de pas mal tout et rien. Mais la particularité, c'est que des fois, on parle, puis on parle, puis on parle très très longtemps. Puis des fois aussi, on revient sur ce qui s'est dit, puis on se dit, hey, il y a des choses là-dedans qui mériteraient à la fois d'être enregistrées pour la postérité, pour nous-mêmes, mais aussi parfois d'être partagées, parce qu'il y a des choses intéressantes qu'on se dit, puis qui nous enrichissent l'un et l'autre. Et c'est pour ça qu'on a décidé des fois de se réunir une fois par mois pour mettre ça en mémoire pour qui voudra bien l'écouter. Donc, essentiellement, le concept, c'est que à la fin de l'émission, on se lance des recommandations. On a un mois pour découvrir, analyser, y penser. Ce qui est bien important de dire, c'est que c'est de recommander quelque chose que la personne qui recommande connaît bien, généralement apprécie bien ou trouve intéressante à une personne qui, à l'autre, qui soit ne le connaît pas du tout, soit que ça fait très longtemps qu'on lui dit de tu devrais écouter ça, puis voilà, puis là finalement on a une raison de le faire. Voilà, un partage. C'est ça, parce qu'on se rend compte que des fois on suggère des choses aux gens et les gens, t'sais, ils font pas, ils vont pas jouer au jeu, ils vont pas nécessairement regarder le film. Ah oui, j'aimerais ça le faire, et ça arrive pas. Et c'est pour ça que j'ai suggéré comme première chose à Louis l'album Volition du groupe Protest the Hero. Ça Ouais. fait 4 ans qu'il est sorti, puis ça fait 4 ans que j'essaie de le convaincre d'aller, 4 ans. 4 ans que j'essaie de le convaincre de faire une bonne écoute, parce que moi je me souviens. La première fois que je t'ai fait écouter une des pièces de l'album, la quatrième, j'étais comme, écoute le solo de bass, puis Écoute là, ça. le solo de bass, t'es parti à rire, t'es comme, oh, c'est juste trop plein, il y a trop Ah de ouais. stock là-dedans. Ça me dit quelque chose, ouais. Puis là, tu m'avais fait comme, oh, écoute ça à la place, tu m'avais suggéré genre Ah. les Japan Droids ou quelque Ouais, chose. c'est bon. Ouais, Ça, c'est c'est. quand tu parles de deux esthétiques non compatibles, hein? Ah, exactement. Protest the Hero. C'est un groupe qui fait du genre de métal. Il n'y a pas vraiment de catégorie. Souvent, les métalleux sont bien stricts sur les catégories. Ils vont dire ça, c'est du death metal technique progressif. Pourrais-tu dire quand rentrerais-tu ça dans la catégorie du power metal un peu? Ce qui est quand même vaste, là. Ouais, ça dépend des chansons en fait. Ouais, Parce qu'il y c'est a vrai. clairement une chanson sur l'album qui rentre dans le power metal, plus ou moins. Mais Protest the Hero font comme une genre de variation sur. Ça partit comme un groupe de hardcore, donc c'est violent, c'est un peu abrasif, mais c'est très mélodique. Ils ont des aspects de math rock, dans le sens que c'est très composé. C'est aussi plein de signatures de temps qui sont pas nécessairement des choses que tu vas retrouver dans du pop, comme du 4-4, Ouais. des choses que tu peux faire. Comme. Là, C'est tu vas quelque suivre. chose d'un peu plus mathématique, comme on vient de dire. Très construit et et performé de façon très virtuose. Ouais, c'est ça. Ils sont très virtuoses parce que c'est toujours des passes de t'imagines leurs doigts qui font L'ensemble du manche. l'ensemble du manche de la guitare. Cet album-là, j'ai trouvé très intéressant quand il est sorti parce que c'est un album qui a beaucoup de sonorités, très complexes, qui se marient souvent ensemble très bien. Comme je dis, ils font pas du 4-4, ils font pas du pop, mais ça paraît pas parce que ça coule généralement très bien. Puis je voulais que Louis l'écoute. Puis. Sais-tu, est-ce que c'est leur troisième album? Le sais-tu, ça? Oui, Trois ou je quatrième? le sais, je pense. Je le sais, mais j'ai pas la note Ok, devant ok. moi. Je pense que c'est leur quatrième à ta minute. Je peux dire en attendant que après l'avoir écouté maintenant, je suis revenu à quelques chansons de l'album précédent, Fortress, qui datait de 2008, puis on était comme, oh boy, ok, il y a un saut en termes de qualité d'enregistrement. Cet album-là, Volition de 2013, a une clarté que le film, que l'album précédent, non, moins, qui est un peu plus chaotique. Les sonorités s'empilent les unes sur les autres, il y a un certain flou. Et puis là, on a quand même haussé le niveau de production de façon considérable. Ouais. D'ailleurs, avant de juste d'embarquer dans ce que tu en as pensé, je voulais mentionner que c'est un album qui a été autoproduit, qu'il y a eu une campagne de financement Indiegogo, qui ont ramassé pas mal beaucoup d'argent. Ils ont dépassé de plusieurs dizaines de milliers de dollars leur but. Peut-être même 100 000, 200 000, je sais pas, ils ont eu vraiment beaucoup d'argent. Et sur Indiegogo, qui est comme un genre de Kickstarter, tu Une plateforme de sociofinancement. plateforme de sociofinancement, tu donnes un certain nombre d'argent, puis tout dépendant de combien tu donnes, tu as des récompenses, comme à 10 $, tu as l'album, à 20 $, tu as l'album physique, pas juste des MP3. Et eux autres, il y avait dans les niveaux plus hauts, comme pour 2 000 $, 5 000 $, si tu payais ça, ils t'amenaient, ou tu venais à Toronto, je pense. Ça, parce qu'il faut mentionner qu'il s'agit d'un groupe canadien. Puis, je viens d'Ottawa, de Toronto, c'est ça? Ben, autour de Ok, Toronto. c'est bon. Donc, c'est ça. Kelowna, genre, quelque chose de même, là. Un élément canadien là-dedans. Donc, tu vas, il t'amène à Toronto, quelque chose comme ça, ouais. Ça, je pense que tu payais les frais de ton voyage, mais tu allais là-bas et tu enregistrais un morceau vocal ou un Ah morceau ouais. instrumental. Fait que souvent, mettons, dans certaines pièces, tu as des chorales où il y a plusieurs personnes en arrière qui chantent à la Manowar. Ça, c'est des gens qui ont payé de l'argent pour être sur l'album. Les vocaux, c'est un gars qui chante généralement avec une voix propre, une voix audible. Le nom du chanteur étant Rory Walker, si je ne m'abuse. Ça se peut. Ouais. Écoute, moi, j'ai la misère avec ces affaires-là en Ah, général. ok. Je les connais pas. Je connais pas leur nom. Ils ont changé aussi beaucoup. Le Ok. bassiste sur cet album-là, c'est plus le même. D'accord. Ça, je sais. Donc le chanteur chante avec une voix claire. Une voix claire. Pas une voix distorsionnée comme le death metal, Ouais. mais il y en a sur l'album. On s'imagine que c'est des gens qui ont payé pour être présents sur l'album. Une récompense, si on veut, qui est quand même assez indicative de l'époque où on est. C'est quelque chose d'assez courant de faire participer les membres ou les donateurs. Parce qu'il se trouve effectivement que pour les entités, les groupes, les réalisateurs de films, quoi que ce soit, il y a presque toujours des amateurs très, très, très dévoués qui sont prêts à débourser des centaines, voire des milliers de dollars pour soutenir. Moi, personnellement, des fois, ça me dépasse un peu que certaines personnes veuillent le faire, mais c'est. Comment dire? Il n'y a rien de négatif à ça. Si la personne y trouve son compte, tant mieux pour elle. Mais une affaire qui est intéressante avec le projet, juste là, l'idée de faire le podcast, la balado-diffusion qu'on fait présentement, Oui. ça m'a fait réécouter l'album en lisant les paroles, ce que je n'avais jamais fait, parce que c'est quelque chose un album que j'écoutais plus en arrière-plan. Et j'ai perçu beaucoup de force à cet album-là, mais j'ai aussi perçu des faiblesses que je n'avais Ok. pas perçues auparavant. Ok. Ben, je pense que ça m'ouvre bien la porte d'entrée pour savoir ce que j'en ai pensé, puis à quel moment j'ai accroché. Ben, quel moment j'ai décidé de porter attention essentiellement à cet album. Donc, l'album s'ouvre. Forte intensité, un riff d'ouverture qui te donne une grosse claque sur la gueule. Très rapidement, le chanteur entonne de façon très haut et fort des mélodies très découpées. J'ai pensé un peu au groupe Mars Volta, qui a quand même eu un certain parcours, qui donne un peu dans le rock un peu progressif, influencé par Yes et tout ça. Il y a un petit trémolo à façon hair metal et à des glissandos aussi qu'on retrouve dans sa technique qui est intéressant. Puis j'ai pensé à Iron Maiden aussi parfois, Ah dans ouais. certaines de ses inflexions. Je suis pas un grand connaisseur si on veut, là. Mais tu sais, ça c'était un peu ok. Tu sais, on est dans une certaine intensité, ça y va fort. La deuxième chanson, plus punk. Donc ok, ils sont capables de varier un peu. Mais là, arrive la troisième chanson, qui se nomme Tilting Against Windmills. Et puis là, j'écoutais ça sans lire les paroles, juste comme ça. Et puis j'entends les mots For being a white straight male with two blue eyes. Ouais. Là, j'ai fait Oh, qu'est-ce qui se passe ici? J'ai fait pause. Parce qu'il fallait, j'ai senti le besoin d'aller vérifier qu'est-ce qui était dit à propos des white straight male with two blue eyes, parce qu'il s'avère que je correspond à cette description, pour le meilleur et pour le pire. Donc, je suis allé sur le site Genius, j'ai vérifié, et la phrase complète, le vers complet, se lit No one has ever been compromised for being a white straight male with two blue eyes. Donc, j'ai dit, ah, ok. Donc, on se trouve devant une chanson qui dénonce un certain privilège social, Exactement. au plutôt que de le nier, plutôt que de. Essentiellement, qui. Une chanson critique à l'égard de un certain groupe de personnes et à ses comportements et sa mentalité. Et donc, à ce moment-là, j'ai décidé de porter attention par la suite et d'écouter le reste de l'album en suivant les paroles. Le reste de cette troisième chanson porte sur la religion, sur la fierté, généralement pas vraiment méritée parce que c'est le résultat d'une conquête. Donc, une fierté pas tout le temps méritée de cette classe de blancs essentiellement très dominante. Et aussi de son ignorance. De l'ignorance des peuples qu'elle a écrasés, de sa propre histoire. Si je passe très très rapidement, on a une chanson qui est contre spécifiquement la richesse et l'avarice. On a une autre chanson qui s'appelle Plato's Tripartite, qui condamne l'impunité des privilégiés, mais spécifiquement dans le cas des agressions sexuelles. Oui, c'est la sixième pièce de Ouais, l'album. exactement. Écoute, Ouais, je te laisse continuer. moi, quand je t'ai dit, tu m'as dit que tu allais lire les paroles, j'ai dit, tu vas trouver ton compte avec Ouais. certaines des chansons. J'ai spécifiquement pensé à la troisième pièce et à la sixième. La sixième, c'est, je pense, c'est un des meilleurs exemples d'explication claire de ce que pourrait être la culture du viol. Tout à fait, 100%. Parce que ça décrit, ça s'inspire, je pense, d'un certain fait divers d'actualité qui a eu lieu au Canada, spécifiquement d'un procès, Oui. et où... Mais en fait, il y a plusieurs. Moi, j'ai fait mes Ouais, recherches à vas-y. propos de la chanson. Il y a plusieurs. En fait, je pense que c'est le fait que il y a plusieurs cas répertoriés. Ouais, Il n'y a exactement. personne qui peut dire vraiment c'est tel et tel cas. Le chanteur, je pense qu'il a confirmé. Ouais. Le cas en particulier que j'ai retenu, c'est le Steubenville High School Rape Case, D'accord. qui parle justement d'une fille qui a été. Qui était sous l'influence, qui n'était pas capable de donner son consentement, qui était violée par plusieurs gars. Mais il y a aussi le fait que la chanson a été écrite en 2013, et dans les paroles et comment les mots utilisés, ça ressemble vraiment beaucoup à un cas de 2015, le Brock Allen Turner, que le gars qui a violé une fille en arrière d'un dumpster, une grosse poubelle, là. Ouais. Ouais. Une grosse Une poubelle. grosse On poubelle. y pense, Ouais, là. ça. Puis qui a été arrêté par comme des étudiants suédois, je pense, qui passaient dans le coin. OK. Parce que dans les paroles, si je peux juste retrouver la partie. En attendant, je peux nommer, citer deux paroles de cette chanson que j'ai trouvées assez éloquentes. La première est « The only thing that's more broken than her spirit is the system. » Donc, essentiellement, je pense que dans les cas qu'on décrit, probablement que les condamnés ont été acquittés. Et c'est aussi une chanson qui décrit la pitié qu'on éprouve pour les agresseurs. Le sentiment que ce sont des bons garçons, qu'essentiellement, ils sont pas comme Ouais, ça. c'est ça. Parce Et que. puis, l'autre... Ouais. Juste parce Ouais, que, bon, on est désolé que ça soit. Qu'on commence notre première émission avec des ouais, paroles en ouais. anglais, Ouais. mais il faut quand même le mentionner. Le refrain de la chanson, c'est Oh, how the system fails you completely when monstrous children get treated so sweetly. Ouais. The violence is praised, the decision cemented. Entre parenthèses, they seem like nice kids. Ouais, tout à fait. Crimes go committed, but never lamented. That doesn't change what they did. Ouais, c'est ça. Donc, si on résume très simplement, les coupables qui sont décrits comme étant des enfants, des personnes immatures, qui, pour l'instant, n'assument pas les conséquences de leurs actes. Et puis, essentiellement, on est plus triste de leur sort que ce dont on n'a pas de preuve de la victime. L'autre vers que j'ai relevé est Stronger than his prison bars are the bars around her memory. Donc, pendant que notre pauvre jeune, qui dans ce cas-ci n'aurait pas été acquitté, mon Dieu, se lamente en prison alors que son début de vie adulte est brisé, qu'est-ce qui reste pour la jeune femme qui reste, il lui reste le souvenir, elle est le seul à pouvoir vivre avec. C'est quelque chose qui est possiblement plus fort que les barreaux de prison quand c'est un traumatisme qui nous suit le reste de notre vie. Ouais, ça. Puis en ce qui concerne, je veux dire, la parole qui. Les deux vers qui ressemblent beaucoup au Brock Allen Turner Case, qui Ouais. est probablement comment ce type de cas-là arrive systématiquement. C'est Lay back upon cold concrete floors and rest your drunken soul. What more could a lady ask for than to be treated like a whole? Oui, c'est ça. Donc, on parle de déshumanisation. Oui. On parle de. Comment dire? Une femme demande juste ça, dans le fond. Mm-hmm. Ou elle court après. Ou elle court après. Ou ne sert juste à ça. Mm-hmm. Mais en fait, ça parler de tout ça, là, on parle de façon un peu détaillée de cette chanson spécifique-là, mais ça m'ouvre la porte à une certaine thèse générale que j'ai sur l'album, qui est, je pense que c'est un album qui emploie un style qui a son public très dévoué, donc le metal, qui manifestement a c'est un groupe qui a un attachement fort à ses fans, ils ont socio-financé l'album, chose que je savais pas. Et je pense que c'est un groupe et un album qui emploie l'élément spectaculaire de sa musique, sa grande virtuosité, le fait qu'il attire l'attention, il accroche l'attention avec ses performances-là, mais il en profite comme une plateforme pour tenir un discours accusatoire ou critique de certains comportements en société. Et donc, il sert de sa musique populaire comme une plateforme de discours. C'est quelque chose que je trouve intéressant et qui s'applique à une grande part de cet album-là. Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, une grande part de cet album-là, parce que la pièce d'après, la numéro 7, A Life in Bost, c'est une pièce qui traite d'un jugement qui a été fait à Toronto à propos des pitbulls. Quelque chose qui est très actuel ici à Montréal. Parce qu'à Toronto, je pense, je ne suis pas sûr des détails, j'aurais dû faire plus de recherches, mais à Toronto, ils ont interdit les pitbulls. Quelque chose qui a été prouvé à ne pas nécessairement fonctionner pour arrêter les morsures, en fait. Et la chanson parle de ça, parle de... comme de façon très explicite. C'est ça. Ils disent, dans le dernier paragraphe de la chanson, les paroles « The American Pit Bull versus the American Dream. The task is ours to keep our dogs and children safe. » etc., etc. Ouais. Je vais t'avouer que c'est une chanson que j'ai trouvé un peu moins intéressante parce que je pense que c'est un sujet qui me rejoint moins, spécifiquement. Ben, moi, c'est quelque chose que... Si tu veux que je parle un peu d'une faiblesse musicale de l'album... Ouais, vas-y. En le réécoutant... Pour moi, cet album-là, c'était toujours un album que tout se fondait bien ensemble. Ouais. Au niveau de la composition, tout fonctionne bien. Okay? Il y a une harmonie, un équilibre qui, je pense... est une qualité attribuable à l'ensemble de cet album de 11 ou 12 chansons-là. Ouais, un album quand même assez long. Quand même. Sauf qu'en réécoutant l'album, j'ai trouvé que certaines transitions, des fois, étaient un peu faibles ou un peu bâclées. Certaines chansons, notamment la 7, A Life in Bost, celle qui parle de Pitbull, plusieurs de ces moments qui ne s'imbriquent pas tout à fait si bien que ça dans eux-mêmes. C'est des moments mélodiques avec des moments techniques. Mm-hmm. Tu vois vraiment une séparation entre ces moments-là. Et c'est quelque chose qui m'a fait réaliser, en écoutant cet album-là toujours, en arrière-plan, c'est que t'accroches pas... Les moments qui sont plus techniques, un peu plus maladroits même dans la manière dont ils sont intégrés à l'album, tu remarques juste les moments forts. Les faits saillants. Les faits saillants, les moments forts, les grosses mélodies, ouais. quand tout le monde se met à chanter ensemble. Et A Life in Bost, c'est ça, à la fin, c'est vraiment une bonne partie de la chanson que, tu sais, ça... Il y a une répétition, il y a une longueur. Est-ce que je me trompe? Ou c'est juste une maladresse dans la transition? C'est que la fin... En fait, t'écoutes cette chanson-là pour la fin. Mm, OK. Tu l'écoutes pas pour le début ou pour l'entièreté du début. Ça arrive un peu dans d'autres pièces de l'album où sont pas nécessairement si synergiques que ça. On peut dire que c'est comme... OK, on essaye un virage. On essaye par là. On essaye par là. Puis ça revient un peu à ce que je disais, à savoir que on attire l'attention. C'est-à-dire, on veut être spectaculaire. Et puis, si on multiplie en plus de ça les différentes sections, c'est une façon de comme renouveler l'intérêt, de peur que l'auditeur se lasse peut-être d'un refrain répété ou d'un certain patron répété. Et puis, c'est risqué de faire ça. Tu sais, ça peut dénoter un certain manque de confiance envers la composition. C'est comme, là, on a fait ça, mais... ça vaut pas la peine de le tenir pendant 2 minutes ou de revenir plus tard. Fait que ça, c'est... C'est quelque chose, ouais, qui se dit de j'allais dire de ce genre-là, qui peut se dire de ce genre-là en général, mais je vais éviter les généralisations pour l'instant. Mais je pense que c'est un groupe qui aime ça montrer qu'ils sont bons. Oui, tout à fait. Autant au niveau juste, ils sont bons avec leurs instruments, mais aussi, regarde, on peut faire des trucs fuckés, on peut composer des affaires fuckés. Puis ils sentent le besoin de mettre des sections fuckées. Ouais, ben, Puis ce qui arrive souvent dans la ouais. structure de plusieurs chansons, c'est que t'as un. C'est la structure d'une chanson pop normale, c'est que t'as un refrain qui vient trois fois. Ouais. Dans certaines chansons. Pas toutes les chansons qui sont aussi pop que ça dans Protest the Hero, mais les chansons qui sont pop, le refrain revient deux fois. Ouais. Puis à la place d'avoir un refrain qui revient, t'as une section fuckée. Puis après ça, t'as la dernière passe de la chanson. Qui est une finale, Une plutôt que finale. le retour du refrain. C'est ça. C'est quand même intéressant comme structure parce que c'est différent de ce qu'on entend d'habitude. C'est pas. C'est un peu plus éclaté. Mais c'est une structure qui revient quand même dans l'album une couple de fois pour peut-être. De cacher certains manques d'idées. Ben, en fait, moi je parlerais peut-être pas tant de manque d'idées, mais un certain manque de variété. Puis peut-être tu m'accorderas que. C'est-à-dire, on est à plein volume, généralement à pleine vitesse, pendant très très très longtemps, d'une façon qui peut provoquer une certaine saturation quand on n'est pas abonné à ce genre-là. Je peux donner comme exemple, par contre, il y a la chanson Mist, Oui, celle qui la huitième qui pièce. est essentiellement un hommage à la province de Terre-Neuve. On pourra parler davantage de cette chanson-là, mais elle se termine sur environ 30 secondes de petit violonnage traditionnel canadien, suivi d'un intermède acoustique, de guitare acoustique. Puis là, on est rendu 8e pièce, c'est ça. Ça fait environ 35 minutes qu'on écoute. C'est la première période, le premier passage qui dure environ une minute, qu'on peut parler d'accalmie. Et puis, ça fait du bien. Oui, clairement. C'est un changement de ton qui est apprécié, mais qui arrive un peu tard. Puis, Ce qui est ouais. intéressant, moi, ce que j'aime de cette partie-là, c'est la chanson qu'on pourrait dire qui sonne le plus power metal, Ouais, en pour fait. revenir à ce qu'on disait au début, ouais. Mais il y a le moment d'accalmie. Après ça, il y a probablement le début le plus violent de tout l'album avec la neuvième pièce, Underbite. Ça commence, puis ça te verge d'en face. Ouais, ouais, ouais, ouais, C'est ouais. un petit plaisir. J'aime bien cette transition-là, en fait, cette Juxtaposition-là, ouais. juxtaposition. Puis on peut parler de on peut parler de ces deux chansons-là qui sont quand même intéressantes. Mist, donc la chanson en hommage à Terre-Neuve, c'est une chanson qui est comme d'une générosité d'esprit et d'un, comment dire, d'une bonne humeur. Qui fait changement de la protestation qui a lieu dans la majeure partie de ce qui précède, mais on est vraiment dans l'appréciation d'un lieu et des gens qui vivent là et d'une atmosphère. La Et découverte, en fait, ouais, tout à il fait. découvre un endroit qu'il savait pas qu'il existait. Ouais, un endroit qui fait changement. Le chanteur, il découvre l'affection et l'attachement immédiat qu'il a ressenti en se retrouvant là, en allant jouer là. Je sais pas si tu as vu ça spécifiquement, mais il mentionne à un certain moment il jouait sur un tilted stage, donc une scène inclinée. As-tu vu l'explication de Non, ça? j'ai pas vu C'est l'explication. que littéralement, à un spectacle où il jouait à Terre-Neuve, un des coins de la scène s'est effondré. Et puis il a été soutenu par une partie du public. Oh, ouais. Littéralement un coin. Donc Ah. le tilted stage était soutenu par les fans. Donc quand on Wow. parle de soutien, sociofinancement, il y a des chansons qui réfèrent aux fans, qui sont essentiellement des appréciations des fans. Là, Attends une minute, parce ils que, étaient là. regarde, parce Ouais. que dans les paroles de la chanson, c'est When we finally took the stage, it shifted beneath our feet, Exactement, ouais. we stood on the shoulders of proud Newfoundlanders. Moi, C'est je ça. pensais que c'était une métaphore. Non, non, non, c'était pas tilted stage, mais ils disent, nous avons marché sur leurs épaules, nous sommes tenus sur leurs épaules, Ouais, littéralement. pour vrai. Ouais. Ah, parce que moi, j'étais. Quand tu lis ça, c'est It shifted beneath our feet. Ça veut dire que probablement les gens étaient tellement contents de les voir. Ça a bougé beaucoup, la place a bougé. Ça devait Non. être le cas. Oui, ça devait être le cas. Ouais. Mais pour de vrai, en réalité, ça s'est effondré. Ah, c'est C'est drôle. ça. C'est comme t'es pas une métaphore. Puis la finale de la chanson, il se met à jouer en harmonique, essentiellement. Ça sonne un peu comme du U2. La figure principale de The Edge de U2, c'est déjà. Dur à chantonner, mais encore là, on parle d'un changement de ton. Ça a un effet réconfortant. C'est de la bonne humeur. Et puis à ce moment-là, le chanteur dit qu'il souhaite éventuellement se retrouver à vivre à Terre-Neuve parce qu'il sent qu'il s'est retrouvé là. Et puis ensuite, on passe à une chanson très agressive qui est une dénonciation virulente des groupes médiocres, insipides, commerciaux, ou bien simplement des comebacks, des retours de vieux groupes de façon t'sais, purement financièrement motivée, de la vanité, puis c'est ça. Je pense que pour clore mon passage, il y a deux vers qui je pense sont très éloquents. Let's not repackage the same old performance. Donc, ne remballons pas la même vieille performance. Original content is so much more rewarding. Donc, essentiellement, il encourage qu'au lieu de regarder vers l'air, on regarde vers l'avant. Ouais. Mais c'est quelque chose qui est récurrent dans, je pense, leurs entrevues ou depuis longtemps. C'est des gens qui ont été comme toujours assez critiques de la scène métal parce que justement, il y a beaucoup de groupes qui sonnent pareil. Et si tu suis le métal, tu vas l'entendre. Il y a des groupes qui partent des choses, des mouvements, des genres. Et après ça, il y a toute une trolley de groupes qui vont sonner comme In Flames. Il y a plein de groupes qui vont sonner comme Iron Maiden. Il y a plein d'imitateurs de Metallica. Essentiellement, c'est ça, c'est beaucoup d'imitateurs. Moi, écoutant du heavy metal depuis très longtemps, je me lasse facilement de groupes qui font juste reprendre les. Les vieilles recettes que tu Ouais, connais. c'est ça, les motifs connus. T'sais, bon, ils font des variations, ils transforment eux-mêmes, mais j'ai déjà écouté d'une Flames. J'en ai pas particulièrement besoin d'en écouter d'autres. Puis effectivement, lorsque j'écoute Protest the Hero, je sais que j'écoute quelque chose qui appartient à la tradition du métal, mais je sens pas que j'écoute quelque chose qui ressent le besoin de s'associer très très nettement à une tendance ou à une autre. On est dans une certaine liberté, même si on reste dans comme une rigueur technique et puis un certain niveau de volume, tout ça. Il y a une liberté de style qui est agréable. Puis en plus de ça a été ça mon accroche, c'est un aspect, c'est pas un mot français que je vais employer, là, conversationnel dans les paroles. Donc on sent que, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a une volonté d'avoir un dialogue plutôt que de, par exemple, inventer des pays fantastiques ou imaginer des fantasmes mortuaires, puis des gens torturés, puis de l'imagerie sexuelle glauque ou quoi que ce soit. Presque toutes les chansons de cet album sont reliées au monde Actuel. concret, ouais, au actuel et au concret, au plancher des vaches. C'est intéressant. Puis, As-tu quelque chose à dire sur ouais. les pièces finales, les pièces Ben, finales? rendu vers la fin de l'album, je dirais que c'est assez clair que justement, pour moi, Rory Walker, ce qui se dégage de l'esprit de son écriture, puis ben, c'est porté par la musique aussi, c'est qu'il semble croire qu'un avenir meilleur est toujours possible, Ah ouais. que ce soit pour lui, pour son groupe, pour l'Amérique du Nord ou pour l'humanité en général. Il y a un souhait d'amélioration à travers la critique, plutôt que juste varger pour varger. Bon, On peut dire que ça fait changement des là, tu fois. parles de la dernière pièce en particulier, Notamment, oui. Skies, où la figure, c'est un avion qui est en train de perdre puissance et de s'écraser vers le sol. Et lui, par opposition à ça, ce qu'il dit dans les paroles, c'est moi, je crois pas que la mort est au ciment, comme au pavé. Il n'y a pas de mort au pavé. Je crois pas que. Ben, je veux dire, il dit que je crois pas qu'il y a rien en dessous. Je sais pas trop quoi, je suis pas sûr de la figure. I don't believe there's anything beneath. Bon, ok, c'est peut-être flou un peu. Ouais, mais il embrasse essentiellement l'inconnu. Oui, C'est que c'est ça. l'inconnu, c'est l'étape suivante, mais c'est pas nécessairement pour le meilleur ou pour le pire. C'est il se passera ce qui se passera. Puis ça s'applique pas juste à la mortalité, mais en général. Ouais, c'est ça, c'est quelque chose que tu peux. Parce que les paroles qui viennent après, c'est Embrace the fall, there is no end. Puis moi, les paroles que j'ai notées ici, c'est I will never quit or watch my brothers quit. But I'll lower down a lifeboat if you're abandoning the ship. C'est surtout aussi à ce moment-là, c'est dit avec extrêmement beaucoup de conviction, d'ardeur, et on dirait qu'il se C'est défonce un vrai, peu et la probablement gorge. qu'il. Ouais, il y a des. On n'a pas mentionné, mais il y a quand même des passages qu'on pourrait qualifier de scream Ouais, au Scream. travers de cet album-là. Mais oui, il y a un degré d'intensité vocale qui accompagne essentiellement l'idée de hey, si t'es dans le mal, là, si t'as de la misère, je vais t'aider. Donc, quand je parle de souhaiter un avenir meilleur, c'est que souhaiter comme qu'on va se tenir ensemble, puis on va arriver quelque part. Puis que l'album se clôture sur cette idée-là, c'est. Comment dire. Ça fait du bien, on peut dire. Surtout avec nos médias sociaux, aujourd'hui en particulier, jour après jour après jour, ne semble souvent offrir que peu de portes de sortie. On parle qu'on est là pour se donner du soutien, mais en tout cas, là, je rentre dans l'éditorial un peu plus personnel, mais il faut quand même prendre soin de soi et à l'anxiété que ça peut générer de faire partie de. Ben, en fait, il y a une chanson qui parle directement de ça. Mm-hmm. La cinquième pièce, Yellow Teeth. Yellow Teeth? Oui. Parce que toutes les paroles sont assez claires. J'ai pris plusieurs notes à propos de celle-là. C'est une chanson sur le climat médiatique, des blogs, des réseaux sociaux. La diffamation, le salissage de réputation. Comment les mots des uns influencent la perception des autres. Ouais. Comment les vieilles histoires paraissent pires qu'elles le sont. Ouais, après des années, quand elles sont répétées constamment dans les médias. Comment le stress de voir ses erreurs passer, toujours ramenées sur la place publique, affecte les gens. Ouais. Comment les uns sont comme un peloton d'exécution pour les autres. L'imagerie suicidaire. L'appel qu'il fait au final de cette chanson-là, c'est de se rappeler qu'on est tous des gens quand même. C'est ça. Personne n'est parfaitement bon ou mauvais. Ouais, c'est ça. Que tout le monde est dans ce climat-là. Tout le monde en est affecté. C'est pas comme si... C'est comme avant qu'on commence à enregistrer, t'as utilisé le mot panopticon. Oui, j'ai employé ce mot-là, oui. Ouais, c'est ça, c'est comme s'il y avait on un panopticon. Ouais. C'est ça, tout le monde se surveille. Moi, je trouve que c'est une... Moi, j'aime vraiment beaucoup les paroles de cette chanson-là. Mm-hmm. Y a une certaine poésie, je pense, dans l'écriture de Rory Walker. C'est drôle parce que pour cette chanson-là, j'ai noté, moi, qu'il y avait peu d'ambiguïté dans l'écriture. C'était tout très explicite. Oui, c'est plus. Mais que les mots employés sonnent bien et sont chantés avec puissance. Oui. Et donc, on peut oublier un petit peu le fait que c'est assez comme noir sur blanc, ce qui est énoncé. Ben, disons que c'est moins... c'est pas aussi explicite que la chanson sur les pitbulls, où ouais. Il parle de statistiques dedans. Là, ça devient lourd, là, carrément. Ouais. Mais j'aime bien les paroles de cette chanson-là, parce qu'elles sont quand même assez imagées. Mm-hmm. C'est, le langage est clair. Ouais. Même s'il est explicite, il passe le message quand même bien. Et bon, comme tu dis, c'est chanter avec puissance. Puis, vu qu'on parle de puissance, moi, j'ai commencé à suivre les paroles à la troisième chanson, mais là, on peut revenir à la toute première, ouais. Qui, je pense, porte sur l'obsession geek et nerd. En fait, ça parle spécifiquement de Star Wars versus Star Trek. Ouais, c'est ça. Ça se moque du sérieux, du grand sérieux et de la grandiloquence des chicanes de nerds. Attends une minute. Ouais. Moi, j'ai vu Protest the Hero en spectacle deux fois. Premier spectacle que je l'ai vu, c'était au Club Soda, je pense. Peu importe. Ce qui arrive pendant un spectacle de Protest the Hero, c'est que les intermèdes dans ces chansons sont assez longs parce que le chanteur aime ça parler, aime ça faire des blagues. Il est très charismatique. Il peut avoir plusieurs minutes entre les chansons, il interagit avec le public. Fait que la thèse du dialogue dont je parlais tantôt, on la confirme. Oui, clairement. C'est bon. Et premier spectacle que j'ai vu, entre deux chansons, il y a une chemise, il arrache comme tous les boutons de sa chemise, puis en dessous, il y a un chandail de Star Trek. Puis il est là comme, Star Wars, c'est de la merde! Ben, c'est ça. Puis, il n'y a rien de ça qui invalide l'hypothèse de cette chanson-là, mais c'est qu'il y a un grand sérieux qui dans l'écriture de cette chanson-là, mais qui, je pense, est quand même un peu ironique. Mm-hmm. Mais non seulement le sérieux, mais il y a une grandiloquence, puis c'est épique. Ouais. La musique est très épique et très forte. On veut construire des montagnes. On a l'impression d'assister à des éruptions volcaniques. Mais derrière tout ça, je pense qu'il y a un sérieux... il y a un gros clin d'œil derrière ça. Puis qu'il y a un peu cette volonté de se moquer, non seulement d'un phénomène... de société, mais de leur propre musique, essentiellement de lui-même, si on veut, mais de leur style musical. Mm-hmm. C'est intéressant. C'est comme on ouvre l'album avec quelque chose qui est un peu trop grand pour être vrai, si on veut. Puis, donc, moi, je commençais à écouter ça. J'étais comme, bah, c'est du gros metal intense, du gros power metal, ben typique. Mais au final, il se retrouve à avoir quand même un certain humour derrière qui se révèle seulement lorsqu'on porte attention à ce qui est dit. Puis ouais, ça vaut pour l'ensemble de l'album. Ça, c'est une des chansons, en fait, que j'ai lu les paroles. J'ai pas lu les paroles de toutes les chansons, mais c'est une des premières chansons que j'ai lu les paroles parce que à un moment donné, il dit « I don't care who shot first ». Ouais. Là, tu penses aux autres mots que t'as entendus dans la chanson. Tu fais « Parles-tu de Star Wars? » Ouais. Là, tu lis les paroles, puis t'as des mots qui font référence à Star Wars, d'autres qui font référence à Star Trek. tu te dis, ça se peut pas, il n'a pas fait une chanson sur ça. En fait, je pense que c'est une chanson sur l'idée que la théorie que Star Trek et Star Wars se passent dans le même univers, Ah non, ok, ouais. ouais, c'est une théorie stupide. Je pense que c'est ça qu'il dit. Mais ce que toi tu dis, en fait, ça a du sens aussi. En fait, c'est préférable de l'interpréter de même Ok. si tu veux comme y associer une certaine poésie. Ah. Mais moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a une certaine poésie insoupçonnée dans ces descriptions du fandom. Ils mettent bien en image, en fait. C'est une force de une bonne partie de son écriture. C'est ça, puis en fait, je pense que ça vaut pour une bonne partie de l'album, à savoir qu'il y a beaucoup des sujets qui sont abordés dans ce disque-là, qui pourraient être l'objet d'articles d'opinion ou d'essais ou quoi que ce soit. Mais ici, c'est fait en musique, et donc nécessairement, ça se doit d'être fait de façon punchée, avoir un certain impact, et de façon brève, souvent. Et donc, la recherche, il se retrouve à avoir une certaine recherche formelle littéraire qui dénote qu'il a quand même réfléchi à ces affaires. T'sais. Plutôt que de juste. C'est jamais de la prose. C'est peut-être explicite, mais on n'a jamais affaire à de la prose qui se résume à un essai, si on veut. C'est ça. J'ai beaucoup aimé, moi, la deuxième chanson. C'est une chanson qu'il y a certaines maladresses dans certaines transitions, mais que certes, il y a comme d'autres transitions qui sont assez fortes. Le leitmotiv qui commence la chanson qui revient plusieurs fois, la deuxième fois qu'il revient pour finir comme pratiquement clôturer l'album, j'ai trouvé ça très fort. J'aime beaucoup les paroles de cette chanson-là qui sont un peu plus vagues, Ouais, d'après c'est ça, moi. je pense que je n'aurais retrouvé aucune signification à celle-là. Ben, moi, j'ai trouvé plus comme, tu Plus sais, comme première émission, hein? ouais. Juste des thèmes. C'est une chanson, ben, attends, je sais pas où je m'en vais avec ça. C'est une chanson, tu sais, de violence, d'honneur, d'espoir, de résilience. Il défie les jugements, parce que la chanson s'appelle Drumhead Trial. Oui. C'est des jugements qui sont pas faits par des cours officiels, qui se passaient souvent avec. Dans les armées, quelqu'un OK. faisait de quoi, on le jugeait là où ça se passait, de manière peut-être plus ou moins légale. Puis quand tu lis la chanson, ça parle d'armure, ça parle d'armement, ça parle de royaume. Moi, je vois des gens qui sont habillés comme potentiellement des conquistadors, qui se battent un contre l'autre. Il y a beaucoup de force dans cet album-là, dans cette chanson-là, beaucoup Ben, ce qui d'agressivité. ressort de cette chanson-là, c'est le solo en duo, essentiellement. En fait, La ce sont les fin. deux guitaristes qui se passent le solo un après l'autre, entre les canaux gauche et droite, et qui ensuite se réunissent pour jouer à l'unisson avec des faibles différences. Puis ensuite, on a des effets d'écho, et ainsi de suite. Fait que, ouais, grande puissance qui se démarque alors qu'on est encore au début de l'album puis que l'idée n'est pas faite, si on veut. Y a aussi la finale avec le chanteur et la chanteuse Oui. qui ils chantent un verset, un verset. Un couplet? Un Ouais, couplet, un couplet. Il chante de quoi, là? Il chante une couple de phrases. Et j'en ai pas, ouais. le leitmotiv revient, et là, il échange les phrases qui ont changé. Il y a la musique est plus intense, les paroles qu'ils disent, ça parle d'espoir, c'est Ouais. beau. Ça crée toute une intensité C'est bien qui est construit. bien le fun. Là, je me suis dit, j'ai fait un peu de recherche, Oui. puis. Il se trouve que Drumhead Trial, c'est le nom d'un épisode de Star Trek. Fait que, je sais pas. On reste dans les eaux, comment dire, plancher des vaches, si on veut. Ouais. Mais j'ai C'est pas du lu. liturgique, Non, c'est ça. hein? Non, pas pantoute. Non. J'ai lu Liturgie, qui est un groupe de black metal. Comment il appelle ça déjà? C'est du black metal transcendantal. Ouais, c'est ça. Qui va dans l'ésotérisme à fond la caisse. C'est spécial. Mais Ouais. j'ai lu le synopsis de l'épisode Drumhead Trial, puis j'ai pas D'accord. tout à fait vu. J'ai lu en Le diagonale, là, en lien. fait, là, parce que c'est long, là. J'ai pas vu de lien immédiat, mais je trouve juste ça drôle que. T'écoutes une chanson, ça te donne d'image. Ah, il y a des conquistadors, les gars, là, comme Bring on the Storm. Puis là, tu regardes, ah, c'est un épisode de C'est Star drôle Trek. parce que là tu mets le doigt sur comme ah ok c'est une bonne chose de lire les paroles d'un album puis de comme ah tu sais découvrir une nouvelle dimension tout ça. Mais il y a un risque des fois à faire trop de recherches, puis à faire retomber un peu le château de cartes, puis réaliser que l'empereur est nu. Puis, Ou il est pas trop habillé. Juste pour potentiellement finir avec ce que j'ai à ouais, dire, ouais. Ma chanson préférée, c'est la quatrième. Ah oui, qui est... Without Prejudice. Ouais, ben, ouais. Celle-là... C'est celle que le solo de bass dedans que je t'avais fait écouter, que t'avais ri. T'avais fait comme ça, c'est un trop-plein. Puis effectivement, l'album, il est difficile à écouter au complet, en une écoute, parce que rendu t'sais, à la 8e, à la 10e chanson, il y a un épuisement. T'es plein. C'est ça, ouais, t'as assez mangé. Mais la quatrième, c'est vraiment une des tunes fortes de l'album. C'est à propos de cette chanson-là, j'ai noté, c'est l'exemple parfait de comment ce groupe-là opère une récupération du registre épique habituel du métal, mais pour dénoncer les vices des puissants et des inconscients de ce monde. Ouais. C'est pas un groupe qui est intéressé à travailler dans le vide, essentiellement. C'est quelque chose que j'ai dit en masse depuis qu'on en parle de tout à l'heure, mais il regarde son monde puis il le commande. Ce qui est intéressant aussi dans le propos de cette chanson-là, c'est qu'il aborde aussi les riches altruistes et progressistes, entre guillemets, qui s'affichent sous des beaux atours, mais qui se permettent quand même d'être déconnectés à leur façon. C'est-à-dire que oui, en public, on sait les belles paroles, on verbalise des engagements envers des causes, mais on revient dans nos belles maisons, on revient très loin dans nos banlieues, puis on peut se permettre d'être déconnecté. Je pense très récemment à Mark Zuckerberg qui faisait une démonstration de son tourisme de désastre, essentiellement, là, par la réalité virtuelle. Donc, Oculus Rift qui nous permet d'être sur les lieux de tremblement de terre, mais au fond, d'être très très bien assis dans notre salon, même si on s'informe, entre guillemets. Je suis content que... Pour moi, déjà là, on pourrait comme arrêter l'épisode, on pourrait ne plus jamais en faire, parce que le projet a fonctionné pour moi. T'as écouté l'album de Protest the Hero, puis tu me dis des affaires que j'avais pas vues, que j'avais pas détectées dedans. Et je suis content que tu m'en parles de cette manière-là, parce que j'ai vu les mots, mais j'ai juste pas nécessairement accroché sur l'idée d'altruisme ou de faux altruisme, parce que ils sont quand même... C'est des allures. ...déconnectés. Ouais. Mais ce qui me fait... réfléchir encore plus, c'est que c'est un album qui est vieux pour l'instant de 4 ans, ouais. À l'instant où on enregistre, et que les thèmes de l'album sont encore actuels. Ça fait peur un peu. Ah ben, c'est-à-dire, ça fait peur. Je dirais qu'il y a quelque chose de rassurant, savoir qu'on peut quand même trouver une certaine cohérence à l'époque dans laquelle on se trouve. C'est pas comme si chaque 6 mois était radicalement différent du précédent. Et donc, on peut analyser les patrons puis voir... Mieux comprendre. Je sais pas, j'ai l'impression que les problèmes qui sont explicités dans l'album ne se sont pas réglés, mais se sont empirés. Ah, ok, je vois ce que tu veux dire par inquiétant. Ouais, ok. Dans la mesure où certaines personnes sonnent des alarmes, mais ça suffit pas. C'est ça. À ce que les trucs soient. À ce qu'on travaille dans le sens de solution. Ouais. Donc, Louis, verdict finalement. Verdict. Ouais. C'est un album dont j'apprécie beaucoup la précision, la construction. Et une chose que j'apprécie aussi, c'est que ni les musiciens ni le chanteur tombent dans une interprétation que je qualifierais de stérile, de mécanique. C'est vivant, c'est dynamique. On sent les musiciens jouer plutôt que d'essentiellement être des machines exécutantes. Ouais, ouais. Il y a beaucoup d'émotions dans cet album-là. Quand même. Aussi beaucoup dans la voix du chanteur. Particulièrement lui, ouais. Et puis, mais à la limite de l'album, ça devient son... Il y a un certain manque de contraste puis une répétition qui devient assez évidente. Même s'il y a des virages, comme tu as mentionné, qui sont généralement bien composés, parfois c'est un peu aléatoire. Mais c'est ça, il y a un grand désir d'impressionner, mais parfois pour un non-abonné au genre du métal, comme moi, ça peut avoir l'effet inverse. Ça peut ne pas tant impressionner ou garder accroché quand il y a une certaine similitude qui s'installe, parfois. Merci de m'avoir recommandé Volition de Protest the Hero, Gabriel. Je suis content d'avoir entendu tes impressions là-dessus, Louis. Depuis après 4 ans. Après 4 ans. Mais je pense pas que j'aurais eu des impressions aussi fines si je t'avais pas demandé non. De l'écouter dans le centre du projet. Est-ce que tu penses que tu aurais eu une appréciation aussi fine du film que je t'ai recommandé pour ce premier épisode? Two Lovers and a Bear de Kim Nguyen. Excusez-moi d'avance si j'ai pas la bonne prononciation de Nguyen. C'est celle avec laquelle je suis à l'aise, mais je reconnais... Au moins, c'est pas Nguyen. Non, c'est ça. Donc, Aurais-tu eu une appréciation aussi fine si ce n'avait été du projet du podcast, mon cher Gabriel? Je pense. Je sais pas. Le truc avec le film Two Lovers and a Bear, qu'on va présenter dans un instant, ouais, c'est que je sais pas à quel point j'étais capable de comprendre le projet comme tel. Ok. Tu m'expliqueras ça dans quelques minutes. Alors, Two Lovers and a Bear, un film de Kim Nguyen, réalisateur d'origine québécoise. Film de 2016, si je ne m'abuse, qui a été présenté la première fois au Festival de Cannes de 2016. C'est un film que j'ai moi-même vu, que j'étais intéressé de voir, car j'avais beaucoup apprécié le film précédent de Kim Nguyen, qui était Rebelle, en 2013, si je ne me trompe. Que je n'ai pas encore vu. Ah, intéressant que tu ne l'aies pas vu. Il est disponible pratiquement partout, c'est ça le pire. Ce qui est intéressant de Rebelle, c'est que c'est quand même un film qui... Quand même un film. Ça vaut ce que ça vaut, mais c'est un film qui a été dans la course aux Oscars, dans les 5 films nommés au début de 2014. Donc, à l'international, sur 5 films, récemment, on a Incendie, Denis Villeneuve qui s'est retrouvé là, mais pas tant de films canadiens que ça. S'entend que les films canadiens qui se retrouvent en nomination sont souvent des films... francophones, oui. Qui sont là à cause que, qui se ramassent dans la section internationale, oui. Parce qu'ils sont en français. Oui. Monsieur Lazare aussi de Philippe Faradeau s'est retrouvé là dernièrement. Et donc, j'étais intéressé de voir son film suivant. J'avais vu Les Échos à Cannes qui présentait ou laissait entendre un film qui avait quand même une certaine audace, d'une certaine façon, sans avoir gagné de prix. Il est sorti à l'automne. Et c'est un film canadien tourné à Iqaluit, donc au Nunavik, et qui, une fois que je l'ai vu, s'est retrouvé dans mes trois films préférés de 2016. Pas mal ex aequo avec American Honey de Andrea Arnold. Et pour l'instant, je pourrais pas dire quel autre film, mais t'sais, définitivement un cas de top 3 dans mon cas. Ça avait aussi été le film d'ouverture du Festival du Nouveau Cinéma en 2016. Sans qu'il ait gagné des prix, ou ce qui veut dire rien de particulier en tant que tel, mais c'était comme, ah, ok, intéressant, ils ont quand même choisi ça pour ouvrir le festival. C'est un film que j'ai beaucoup aimé, Gabriel. C'est un film que, ben, on va présenter un peu le film. Two Lovers and a Bear, c'est l'histoire de deux personnes qui habitent, est-ce que la ville est nommée? Non, mais comme j'ai dit, c'est tourné à Iqaluit, et puis on peut dire que ça se situe à Iqaluit en hiver. C'est deux personnes d'origine, tu sais, deux personnes de extérieures. Ouais, si on veut, c'est deux personnes extérieures à cet endroit-là. Ouais. Si on veut le dire plutôt grossièrement, c'est deux Blancs. Deux Canadiens ouais. qui sont là pour des raisons, deux raisons diverses. Deux personnes qui sont en fuite. Oui, en fait. Tout à fait. Et c'est deux amoureux. Oui. Roman et Lucie. Ça, son nom, c'est-tu Lucie ou Tatiana? Ah, Tatiana, c'est le nom d'actrice. C'est le nom d'actrice, ok, ouais, c'est ça. Roman and Lucy, qui sont en fait en fuite et sont en amour, et leur vie va bien, jusqu'à temps que Lucy reçoit la possibilité d'être acceptée dans une université, je crois. Dans un programme de sciences. Donc, elle doit retourner. Elle aimerait, en fait, pour reconstruire sa vie, elle aimerait retourner dans le programme de sciences. Oui. Elle sent que c'est la meilleure solution, concrètement, de point de vue, se bâtir une vie pour elle. Ouais. Donc, quitter le Nord. Ouais. Roman, je ne sais pas comment le prononcer. Est-ce que je le prononce à l'anglais? C'est appelé Roman. Roman. Interprété par Dane DeHaan, qui a joué dans les films Valérian et la Cité des Mille Planètes de Luc Besson cette année. Ouais, mais il a aussi joué dans... C'est quoi le nom du film? Genre Akira, fait par... J'oublie toujours le nom, mais c'est pas grave. C'est comme un film qui reprend à peu près l'histoire d'Akira. C'est des jeunes qui ont des pouvoirs psioniques. Là. Ok. On m'a parlé de ce film-là. Mais pour revenir d'Akira, Roman, ouais. Comment prend-il la possibilité que Lucy se retrouve à Roman partir? N'aime pas l'idée que Lucy parte. Parce que ça voudrait dire que lui, s'il l'aime et veut rester avec elle, il doit quitter le Nord, donc se rapprocher de ce qu'il fuit. Ouais, exactement. Ce qui est, tu l'as bien dit, ce sont deux personnages qui sont en fuite. Ce qui est intéressant de ce film-là, c'est que en fuite de quoi? C'est quelque chose qui est très peu su rapidement. C'est-à-dire, c'est quelque chose qu'on apprend à comprendre très progressivement. Et c'est pas des choses. En fait, on peut les expliciter maintenant. Ok, mais on va le dire. On va le dire. On aurait dû le dire avant qu'on commence à parler du film. C'est un film narratif. Si vous voulez avoir une perspective fraîche sur ce film-là sans être influencé dans votre appréciation, parce qu'on va dire présentement, vous devriez mettre pause, aller l'écouter tout de suite, puis ensuite revenir. Parce que là, il va y avoir des divulgâchis. Des divulgâchis qui sont communément appelés spoilers dans notre culture, mais qu'on a décidé de nommer. On va le nommer par divulgâchis, même si c'est un mot Frankenstein. Des fois, ça en prend. C'est ça. Il n'est pas si pire, celui-là. On en parlera des mots Frankenstein. Alors, de quoi les personnages sont-ils en fuite? Roman, ce qu'on apprend, on finit par comprendre, je crois, c'est qu'il a essentiellement agressé son père. En fait, c'est que il est en fait en fuite de son père. Oui. Un peu comme Lucy l'est aussi. Oui. Parce que son père l'agressait. Violemment. Sexuellement. C'est ça, violemment. Il battait sa mère. C'est ça. Et il battait lui. Et quand Roman était assez fort pour le défier, il a crissé son pied sur la gueule. Il a un peu laissé pour mort. C'est ça. En fait, il dit, je sais pas si mon père est encore vivant. Exactement. Donc, il y a un certain déni derrière la fuite de Roman. On peut dire ça, mais il fuit aussi le potentiel de la justice. Tout à fait. Donc, raison quand même légitime. Lucy, elle, fuit la mémoire de l'agression sexuelle de son père. Commise par son père de façon récurrente. Alors qu'elle était très petite. Ouais. Qui influence aussi son rapport à la sexualité. Oui, tout à fait. Et ils ont trouvé refuge dans le Nord, loin de tout, au sein d'un peuple qui ne leur ressemble pas. Mais ils se sont trouvés là, puis ils sentent qu'ils... Dans le moment, ça semble un peu tout ce qui compte, si on veut. Ouais. Donc, avec cette ouverture-là pour Lucy, vient l'idée... Elle, sa mémoire la suit... Peu importe où elle est, qu'elle reste là ou qu'elle s'en va, ça ne change rien pour elle. Qu'elle s'en aille, qu'elle s'en va. Des hallucinations, des impressions, des... Des fantômes. C'est un fantôme qui la suit. Ouais, fantôme de son père. Le fantôme de son père la suit partout et ce qui compte c'était, pour elle, c'est d'être avec Roman, peu importe et où. Ouais. Roman, lui, ne peut pas retourner parce qu'il doit faire face concrètement à son passé. Là, éventuellement, bon, il y a une séparation, Roman a des idées suicidaires, ils reviennent, ils s'en vont quelque part, il se fait comme mettre dans un programme de désintox parce qu'il boit trop, c'est quelque chose de même. Là. Des choses comme ça. Ouais. Mais, est-ce que tu veux parler? Oui, ben, je peux dire un peu le moment où j'ai accroché sur ce film-là, ouais. Si on veut. Ouais. C'est au moment où Lucy apprend la possibilité de revenir suivre un programme d'études. Il y a une séquence où ils suivent en motoneige et où Roman la questionne. Il sent qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Elle lui dit. Et à ce moment-là, je pense... Quand elle quitte la place où ce que les autos... Ouais, où il y a une course de motoneige. Ouais, il y a une course de motoneige. Et c'est... À ce moment-là, l'importance de la relation pour chacun des deux amants était assez claire. C'est-à-dire qu'on les sentait très unis par la sexualité. Mais juste, il y avait un réconfort que chacun trouvait entre l'un et l'autre. Mais la gravité de ce que représenterait la possibilité de la conclusion de cette relation-là est tellement clairement communiquée par cette scène-là. L'émotion, la brisure que ressent Roman à ce moment-là, la trahison, et ça tient à la qualité de l'interprétation, à mon avis, de Dan DeHaan, et la concision d'écriture. Il y a une grande authenticité qui est communiquée à travers cette scène où il apprend que lui aussi pourrait être quitté. Et à ce moment-là, j'ai dit, OK, c'est un film qui est intéressé à illustrer l'attachement très, très fort entre deux personnes d'une façon plus intense et moins artificielle que ce qu'on est souvent habitué de voir. Tu vois, moi, c'est là que le film me perd, en fait. D'accord. Parce que je trouve que le film est trop près de ses personnages. OK. Et en fait, manque peut-être, passe peut-être à côté de choses plus larges en ne parlant que de comment ces personnages-là vivent. J'ai l'impression que il n'étend pas son propos à quelque chose de plus large, à quelque chose qui recouvre un peu plus l'humanité. Ouais. Ça reste, d'après moi, un fait divers à cause de ça. Okay. Il y a quand même des choses intéressantes. Je vois mentionné plus tard, mais on peut continuer à... Ouais, ben, c'est que ce que tu dis est intéressant parce que je l'ai quand même vu recoupé dans certains commentaires sur le film. Mais c'est qu'avant ce moment-là, je trouve qu'il y a déjà une habile contextualisation du milieu nordique où il se trouve. On pense par exemple au fait que tout se fait par avion. Lorsque Roman charge un cadavre sur un avion pour qu'il soit rapatrié, tout se fait en avion et en motoneige. Les coûts de tous les biens de consommation, que ce soit l'alcool ou les outils, autre chose, les coûts sont très prohibitifs, sont très élevés. Ouais, mais le problème avec ça, c'est qu'il fait juste le mentionner. Oui. Ils font pas grand-chose. Je pense que ce que je trouve intéressant, c'est juste qu'ils prennent la peine de le mentionner, ouais, alors que ça pourrait facilement être évité. Oui. Et puis, ça, on va avoir l'occasion d'y revenir, mais il y a aussi une intervention policière qui a lieu à un certain moment, qui exprime le lien de familiarité que les policiers, les officiers de la paix se retrouvent à avoir avec les résidents, parce qu'il y en a tellement moins. Et puis, c'est plus fragile aussi. Ouais. Donc, il y a une personnalisation qui se doit d'avoir. Ouais, mais ça, c'est pas nécessairement quelque chose qui vient avec vivre dans le Nord, ces petits villages, quelque ouais, chose. Ouais, t'as raison. Avant qu'on continue... Malgré que le personnage du policier est vraiment amusant, moi. Ouais. C'est un personnage très sympathique qu'on voit deux fois. Avant qu'on poursuive, je voulais faire un lien avec une bande dessinée qui a été... je m'excuse si je me trompe. Je crois qu'elle a été éditée par la maison d'édition Pau-Pau. Donc, une bande dessinée qui se nomme Nunavik, de l'auteur Michel Hellman. Et c'est simplement un peu Hellman qui raconte sa panne d'inspiration qu'il avait pour sa prochaine bande dessinée, puis qu'il a décidé d'aller vivre dans le Nord. Puis il y a une certaine parenté dans la description de milieu qui est faite, puis les grandes différences qui se retrouvent à avoir dans le fonctionnement d'un lieu et de l'autre. C'est ça. Mais si on continue de parler de l'intervention policière, c'est que une fois que Roman apprend que ça... Je vais éviter de dire sa conjointe, parce qu'il n'y a rien de si officiel que ça, mais que sa compagne pourrait le quitter, ben c'est ça, comme tu l'as dit, il va dans l'alcool, il tire dans la nuit, c'est ça, il se munit de munitions, il se défoule comme il peut avec ce qu'il a. Et donc, alcool, fusil de chasse, il se retrouve dans une situation périlleuse. Ouais, c'est une situation périlleuse, la police est appelée, on entend des coups de feu, là, le personnage du policier arrive, puis son intervention qu'il fait avec lui, et je trouve une grande humanité. Exact. C'est là que le personnage est vraiment cool. Mm-hmm. Et là, il comprend comme la douleur de Roman. Ce qui est intéressant, c'est qu'il lui dit « Tu peux finir de tirer le restant de tes balles, si tu veux. » Ah, fait. Ça, c'est sa première intervention. Et ensuite? Il l'invite. Spécifiquement, lorsque Roman est rendu avec la carabine pratiquement dans la bouche, il appelle au commissariat et dit « Apporte-moi un six-pack. » Ok, mais ça, c'est la deuxième intervention. Oui, oui, c'est ça. Ouais. Alors, quel policier ici en milieu urbain ferait ça? Mm-hmm. Considérait, ou dans quelles circonstances, ici dans notre milieu urbain, ça serait considéré comme étant la bonne chose à faire? Je sais pas. Mais on dirait que dans ce contexte-là... C'est comme si dans le Nord, isolé comme ça... Le policier ne fait pas juste figure d'autorité, mais aussi des psychologues. Oui, exactement. En absence de ressources. Oui. Puis si on le mentionne autant, c'est que c'est un passage du film qui en occupe quand même une bonne partie, une quinzaine, vingtaine de minutes, la nuit de détresse. Il y a toute la section rupture, en fait. Oui, c'est ça. Donc une bonne de vingtaine sur une durée de 96 minutes. Fait que c'est quand même non négligeable. Et puis, au cours de cette séquence-là, où Roman boit et tire dans la nuit, on rencontre pour la première fois son ours, son ami l'ours, qui fait partie du titre Two Lovers in America. Qu'as-tu pensé de la présence de l'ours dans ce film, et à ce moment-là en particulier? Ben, l'ours, en fait, il est présenté avant. Oui, c'est vrai. Parce que tu le vois approcher. On voit son réveil. Tu vois son réveil, tu le vois approcher la ville. Ça, c'est juste avant que Lucy lui dise qu'elle va quitter. Mm-hmm. En fait, c'est comme un genre de présage, oui, l'ours. Tout à fait. C'est... Il apporte avec lui le cataclysme. Mm-hmm. Mm-hmm. D'ailleurs, bon, Roman est capable de parler à l'ours. Ouais. Mais l'ours, il est là dans les moments où ça va pas bien. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Je m'en rappelle plus. Pas grand-chose. Attends, mais je pense que je l'ai noté. Ouais, ok. Juste. J'ai noté une coupe. Non, franchement, j'ai noté qu'est-ce que l'ours dit plus tard, je pense. Mais le fait est qu'il lui dit pas grand-chose, puis il fait surtout apparaître, puis être un être avec lequel échanger. Mais il y a une certaine légèreté, puis c'est pas un mot ce que je veux dire, mais une anodinerie Ah oui, c'est ça. Ouais, ok. Il dit que, je n'ai pas noté la citation, c'est pour ça. Il dit que qu'il va laisser la vie continuer et ne rien faire par peur d'échouer. Ça, c'est lourd ce qu'il dit ça. Des bonnes chances, ouais, ça Ouais. serait plus changeant. Et puis il dit que Roman est pris dans un cycle. C'est quand même, c'est pas anodin, Non, c'est pas anodin, mais le ton sur lequel ces là. Ouais, propos-là c'est. sont énoncés sont pas ceux d'une prophétie ou Non. de la grande voix de la vérité de Dieu ou quoi que ce Non, non, soit, là. sont faites avec un genre de laisser-faire ou légèreté, Ouais. lâcheté même. L'ours, il en a vu, c'est lourd pour lui, puis comme si un peu il était tanné de. Ouais. Il voit ce qui se passe. Il ne peut qu'assister à Ouais, l'impuissant. l'ours qui est comme caractérisé comme étant un dieu plus tard dans le C'est film. ça. Il y a trois apparitions verbales, Ouais. trois interventions verbales de l'ours, et elles, ce sont plus des pauses que quoi que ce soit, des instants de recul sur l'état des choses. Puis je pense que j'ai apprécié l'originalité de ça. Puis la pause que ça procurait, plus que le moment de grande attention, grande prophétie auquel on pourrait s'attendre. Ou de menace, tu sais, ça pourrait être une menace fantastique, mais l'insignifiance de la présence de cet être se retrouve à être originale. Et Ouais. Ben bon. Fait que, ce qui arrive, c'est que Roman s'en va en désintox. Ça ouais. coûte beaucoup d'argent à Lucy pour aller le voir. Ouais. Quand on parle de coût prohibitif, ça entre C'est encore en jeu, ça. C'est la seule fois où le coût prohibitif est vraiment placé de l'avant là. dans le film. Elles sont Parce qu'elle pertinentes. utilise toutes ses économies Toutes ces pour économies. aller voir Roman et baiser avec. C'est pas mal ça qui se passe parce qu'ils ont peu de temps, puis C'est c'est ça. peut-être la dernière fois. Ouais. Fait qu'on y va. Donc, à ce moment-là, Roman accepte d'aller avec elle jusqu'à l'université Ouais. et propose d'y aller en motoneige parce qu'ils Ouais. n'ont plus d'argent pour prendre l'avion. Et c'est à ce moment-là que le film devient un film d'aventure. Un road movie. Ouais. Donc le film subitement devient celui d'une détresse psychologique partagée par deux êtres qui étaient en train de dériver l'un de l'autre. Et devient subitement un film d'aventure, aussitôt que la relation retrouve une lueur d'espoir. Aussitôt que, ok, on s'entend sur quelque chose, on a un projet qui est probablement irréaliste et un peu débile, mais on y va. Et puis, le ton du film change. On n'est plus devant des êtres qui apparaissent aussi brisés perpétuellement. On se retrouve devant des gens qui semblent capables d'avoir du plaisir, puis de partager la compagnie de façon saine. Jusqu'à temps que le désastre se pointe le nez. Le désastre étant. La tempête. Il y a une chute aussi, Il y hein, a une quelque part, mais chute c'est de pas. Je motoneige, pense ouais. pas que c'est particulièrement important d'en parler, à moins que tu aies quelque chose à dire à propos de ça. Rien de particulier, outre le fait que c'est une péripétie qui Ouais, c'est introduit un ça. peu de péril et puis qui met en péril une bonne partie de leurs ressources. Un véhicule et plusieurs ressources qu'ils transportaient avec eux. Donc, le voyage est mis en péril. Dans C'est une séquence avec palpable. une tension à couper au couteau. Mais je vais profiter du fait qu'on parle de cette séquence-là pour dire que c'est intéressant parce que le film s'ouvre, je sais pas si tu te souviens, avec Roman qui discute de la musique et du fait que lui, la musique, bah, c'est pas quelque chose qui occupe une grande partie dans sa vie. Il y a seulement deux artistes avec lesquels il sent un lien. Jack White, du groupe des White Stripes, et Gil Scott-Heron, qui est un poète et chanteur noir, qui a eu ses principales années de notoriété dans les années, je vais dire 70, je suis peut-être à côté. Et puis, ces deux artistes-là se retrouvent à être les deux seuls artistes dont des chansons sont employées dans le film. Une fois qu'il sort du trou, après l'accident de motoneige, c'est une chanson, la chanson la plus connue des White Stripes, Seven Nation Army, qui intervient dans le film. Puis ça, je le considère comme un léger bris du quatrième mur, à savoir une reconnaissance que, hey, ça a été énoncé, on le ramène explicitement. J'avoue que je sais pas vraiment ce que ça dit, mais ça me prouve que le film a été réfléchi dans je pense pas savoir comment finir cette phrase, mais C'est correct. il y a un humour là-dedans, puis ça correspond, je pense, au moment de relâchement et au moment de soulagement que vit Roman à ce moment-là, le fait de faire revenir quelque chose de significatif pour lui. Mais tu vois, c'est ça que je dis quand le film est juste trop proche de ses personnages. Okay. Parce que c'est. Je vois difficilement à quel point. Qu'est-ce que exactement le film veut faire avec ça? Qu'est-ce qu'il veut dire? C'est quoi le grand projet? On va juste finir. Ouais. Parce que là, bon, ils se sauvent de la péripétie. Mm-hmm. Il y a un blizzard qui arrive. Ouais. Ils se font dire par un Inuit qu'il y a une station de radar dans laquelle ils peuvent aller se réfugier. Dans une station de radar qui est employée dans la Deuxième Guerre mondiale. Ça a été construit. Non, en fait, je pense que c'est de la guerre froide. Ouais, t'as raison. C'est la guerre froide. Une sorte d'abri. Là. Ouais, j'ai vu d'ailleurs un article sur Vice, où il y a un gars qui protégeait cette place-là, qui avait des. Pendant genre 2 semaines. Protégé contre les ours. Et à ce moment-là, il se ramasse à l'intérieur, dans les profondeurs du espèce de cette base-là, comme un genre de réseau, un peu. Ouais. C'est un bunker. Ouais, c'est un bunker. Ouais. Et c'est un peu comme représentatif de l'espèce de descente aux enfers psychologiques que les personnages vivent. Ils descendent dans l'inconscient un peu. C'est à la fois un abri, ouais. Mais aussi des ténèbres. Ouais. C'est ça. Mais c'est là qu'ils font face à leur inconscient, en fait. Ouais. Spécifiquement lui aussi, ouais. Qui se met à... Pour, pardonnez-moi l'expression, qui se met à bad tripper solide. en fait, après avoir consommé des aliments... probablement périmé. Ouais, donc, il y a des hallucinations qui se mettent à se produire. Et est encore traqué par le fantôme de son père. Ouais. Et Roman... Prend les choses en main. Prend les choses en main et essaie de tuer le fantôme. Ouais. Ce qui est intéressant dans ce cas-ci, c'est qu'on sait, à travers tout ce qu'on a vu dans le film jusqu'à présent, que le fantôme est imaginaire, qu'on n'a pas affaire à une vraie créature ou quoi que ce soit. Mais il a été présenté d'une façon quand même assez tangible, puis d'une façon qui fait ressentir l'intensité de disons, la difficulté qu'a lui aussi de vivre avec cette présence-là. Et puis lorsque vient le temps de s'en débarrasser, de faire quelque chose avec, c'est illustré avec autant de... Les étapes qui sont mises en place par Roman pour s'en débarrasser sont aussi concrètes que s'il se débarrassait d'une réelle créature. Donc, il met le feu aux choses, il ouvre les vannes de gaz, et puis... C'est The Thing! Carrément, c'est ça. On s'est retrouvé dans un climat de film d'épouvante, en contexte nordique. La référence à The Thing n'est vraiment pas sortie de nulle part. Et puis, il y a eu subitement, pendant environ une dizaine de minutes, 5 ou 10 minutes, il y a une intensité de film d'épouvante qui s'installe, et puis de spécifiquement d'acte final de film d'épouvante, qui correspond au soulagement que les personnages se retrouvent à vivre par la suite. La purge qui s'opère dans ce bunker-là est présentée comme si, ouais, ok, c'est fini, là. Ça va aller mieux maintenant. Puis ouais. Le film nous fait ressentir cette émotion-là, ouais. Avec beaucoup d'intensité, puis. Et qu'est-ce qui s'ensuit? Qu'est-ce qui s'ensuit? Ben après, ça va pas bien, ils sont malades, ils ont consommé des aliments. Ouais. Ils se construisent un abri, ouais. Essentiellement en creusant dans la neige. Mm-hmm. L'ours vient faire son dernier petit tour. Mm-hmm. Et puis, c'est le trépas qui attend nos deux héros. La mort glacée. La mort sous la neige. Ouais. L'abri qui a cédé. Ouais. Et la conclusion. Donc, pourquoi tu voulais que je voie ce film-là? Après avoir comme juste fait parler de l'histoire complète du film, ouais. Pourquoi tu voulais que je voie Two Lovers and a Bear? Pourquoi je voulais voir, je voulais te faire voir ce film-là? Je pense pas que c'est un film qui a de grandes idées ou un grand projet à réaliser. Mais c'est un film qui nous plonge dans l'état de détresse de ces personnages-là. Nous fait comprendre l'attachement de ces deux personnages-là. Nous fait vivre les moyens qui sont prêts à employer pour le faire, et leur accorde la libération à travers l'aventure qu'ils se retrouvent à faire. Ils se libèrent de leurs démons, ne serait-ce que de façon temporaire ou imaginaire, mais c'est ce que le film présente. Puis aussi, ils se retrouvent ensemble, il y a une communion. Ils se retrouvent à vivre réellement ensemble pendant pendant quelques jours. Mmh. Et puis, il leur offre un départ tragique, mais qui était quand même accordé à leur désir de terminer ensemble, de partir ensemble. Il les trahit pas. Il leur accorde, et la conclusion du film est malheureuse, mais non contraire à leur souhait. Ok. Parce que c'est intéressant. Moi, je vois pas le film exactement de la même manière. OK. J'ai noté certaines choses dans comment les personnages sont présentés, en fait. Tatiana, pour gagner sa vie, conduit un taxi. Elle conduit des gens vivants. Roman, lui, il conduit des morts. Roman, c'est. Il fait le. Il amène des corps morts jusqu'à l'avion, je pense, puis il suit dans l'avion pour les amener ailleurs. C'est un conducteur de corps morts. Il y a certains motifs d'équivalence entre Roman et le fantôme. À un moment donné, Lucy fait un rêve, un mauvais rêve. C'est quelqu'un qui la prend par en arrière. La personne qui la prend, quand elle se réveille, c'est Roman. Ça arrive quelques autres fois aussi que une espèce d'équivalence entre ça, il y a comme clairement, à un moment donné, il dit clairement, quand on baise, tu sais, je pense à mon père. Je pense au moment où il me violait. Il y a aussi, juste pour que je retrouve la note comme telle, je la retrouve pas. Anyway, parce que d'après moi, c'est un peu idéalement, ce serait le film sur une relation tragique qui ne devrait pas arriver. C'est comme un genre de fatalisme. C'est si Lucy continue à. Lucy, c'est clairement une agente du monde des vivants. Roman, c'est un agent des morts. C'est un meurtrier potentiellement. Lucy, elle, c'est la femme. Elle représente la vie aussi. Elle peut enfanter. Si on veut, ouais, c'est une lecture possible. Oh, non, mais elle veut en l'intérieur de lui, puis parle d'avoir des enfants. Tandis que lui, eh Il ben, est vraiment perdu, en fait. ouais, mais c'est ça, c'est le contraire. Et le film, je pense, fait sentir que plus Lucy reste avec lui, plus il se rapproche justement du désastre. C'est très perspicace comme lecture du film, oui. Il y avait d'autres choses aussi que je voulais. Et donc, le film serait-il une condamnation du personnage de Roman, implicite? Ben, c'est peut-être implicite, mais ça fait pas grand-chose avec cette idée-là. T'as Mais raison. c'est ça. Il y a une note quand ils sont dans le centre de désintox. Lucy dit, si tu te fais mal, tu me fais mal. Comme une espèce de relation qui est Symbiotique. symbiotique, mais il y a aussi un autre terme psychologique que les gens quand ils sont. Oui, Fusionnel, c'est ça. Une ouais. relation fusionnelle, malsaine qu'il y a entre les deux. Alors, c'est évident que c'est pas une relation qui semble droit dirigée vers les roses et les pâquerettes, là. Il y a du danger d'impliquer là-dedans pour deux personnes qui sont clairement pas dans un état équilibré, ni l'un ni l'autre, pour toute la durée du récit. Non, c'est ça. Puis depuis un certain temps aussi. Je Et pense. il y a certains moments de poésie dans le film, comme dans la section aventure, qui arrive en fait à la moitié du film. Carrément. Il passe à travers un troupeau de caribous morts, Ouais. gelés dans la neige, quelque chose qui ne serait pas arrivé. Si Roman n'avait pas été là, s'il n'avait pas lui-même suggéré de faire ça, c'est lui qui, je pense, qui guide aussi au début. En fait, je ne suis pas sûr s'il est en avant, mais c'est pas ça, c'est pas grave. T'sais, Ouais. c'est cette rencontre-là avec la mort qui est à cause de la présence de Roman constante. Puis aussi le fait qu'à la fin du film, comme il y a deux fois que ça arrive dans le film, mais à la fin c'est vraiment explicite, la terre respire, comme les glaciers Tout à bougent. fait, c'est oui. J'ai Quand je parle pas. de subtil brise du quatrième mur, c'est que, hey, le film respire. Ouais, non, c'est ça. Ouais. Mais C'est peut-être pas subtil, là, mais il y a un clin d'œil derrière ça. j'ai de la misère à faire une interprétation, à placer ça en quelque part dans ce que je dis présentement sur l'idée de la fatalité. Ben, On écoute. peut dire que t'sais, le temps continue puis les choses se passent, mais je trouve pas ça super intéressant. Peut-être que je manque de quoi. C'est un film qui, à travers, par exemple, la présentation des caribous morts, puis que c'est comme si c'est quelque chose qui se passe dans la vie, à travers la présence de l'ours qui fait juste regarder les choses aller, puis se dire que c'est ça qui se passe. La terre qui respire, puis elle va respirer, même quand tous les humains seront morts. C'est un film qui, probablement d'autres exemples qu'on pourrait donner, qui de certaines façons présente la nature comme étant consciente et omnisciente, puis, mais aussi on peut rien arrêter sur sa marche. Et je pense qu'on lui a reproché, si on veut dire que le film fait ça, c'est qu'on lui reprocherait justement de ne pas faire assez. D'une certaine mollesse, un certain manque de radicalisme dans ses partis pris, une certaine impression que on sait pas trop quoi en faire. Je pense que c'est ce qui est ressorti à propos de ce film-là, que on sent que c'est un film qui a certaines idées audacieuses, ou certaines excentricités, mais ça aboutit pas à Ben, grand-chose. c'est ça. Quand je parle des personnages, comment ils les présentent, comment ils les caractérisent, c'est intéressant. Mais c'est jamais. D'après moi, comment je pourrais dire, c'est un film qui manque de poésie, qui manque d'abstraction. On lui a reproché aussi des fois de prendre juste le temps de regarder ce qu'il montrait, de passer rapidement à la C'est prochaine aussi. Ouais. scène, la prochaine idée. C'est aussi un film que je pense. C'est dommage que. Ça parle de deux blancs dans un contexte qui est extraterrestre pour la plupart des gens qui vivent en dessous du quoi, 50e parallèle. Là. On n'a pas souvent de films qui se passent là-bas. C'est plate que T'as raison. ça exploite pas plus le milieu, puis que ça parle juste de ces deux personnages-là. T'as le policier qui est là pour essentiellement deux scènes, mais on sait pas c'est qui ces gens-là. On sait pas. Ça devrait être. J'aurais aimé ça que ce soit un autre film, en fait. Probablement, ouais. Je Parce que regardais c'est ce drôle. film-là, puis je me disais, c'est pas le film que j'aimerais voir. Et puis, alors que de mon point de vue, je regarde ce film-là, puis OK, non, c'est pas un film sur les Inuits ou les Ouais, habitants du non, c'est Nunavik. ça. Ça reste quand même un authentique film canadien Ouais, ça qui c'est clair. profite de la singularité du territoire canadien, puis du fait qu'au Canada, il y a des distances et il y a des climats réellement, Ouais, c'est ça. réellement distincts. Qu'est-ce qui unit les Canadiens? Les grands Ben, espaces. on pourrait le dire. Et puis c'est un film qui a besoin de cette distance-là pour le récit qu'il raconte. Parce que c'est l'histoire de gens en fuite qui doivent franchir une distance pour retrouver pour Une distance périlleuse. une distance périlleuse pour se retrouver. Donc, je pense que. Puis il prend la peine, comme je l'ai dit, de quand même Ouais, au contextualiser moins. le contexte alors que d'autres sincèrement pourraient ne pas le Mais faire. j'ai l'air à pas avoir aimé le film. C'est pas que je l'ai pas aimé, c'est que j'ai trouvé correct. Justement, j'ai dit qu'on certains ont reproché au film une certaine mollesse, mais moi, au contraire, le film a une durée assez concise, Ouais, une une heure et durée demie à d'une peu heure et près. demie. Puis, il y a certains effets qui sont excentriques, mais qui sont pas trop tapageurs. C'est-à-dire que jamais une excentricité va s'étirer sur 3 ou 4 minutes où ce que les repères sont complètement perdus, puis un spectateur peut complètement décrocher. Et puis, je sens une assurance dans ce film-là, puis une volonté d'employer les effets et les excentricités au service du portrait psychologique, puis du Ouais, portrait de la je relation. pense que Kim Nguyen n'a pas grand-chose à se reprocher en tant que réalisateur, Ouais, parce que c'est comme tu ça. dis, il y a une assurance, puis tu regardes le film, il n'y a rien vraiment des éléments de mise en scène qui... Qui cloche. C'est ça. Mais je pense qu'il y aurait peut-être besoin de travailler avec un scénariste. Ben honnêtement, c'était peut-être le cas dans ce film-là, mais Ouais, en fait, je suis malheureusement, plus sûr... je me suis pas. Je me, j'ai pas Avant été que je dise validé. des affaires, on a nos ordi devant nous. Sans le Wi-Fi dans mon cas. Je te le donne la prochaine fois. Mais on va entendre tous les bruits de clavier. Ouais, c'est ça. Ben, en fait, c'est une idée de Louis-François Grenier, Bon, mais ok. comme l'écrivain. Ben, D'après IMDb, c'est Kim Nguyen. par ailleurs, Kim Nguyen a présenté un nouveau film au Festival du Nouveau Cinéma, déjà. Qui se situe encore dans un autre territoire du monde. C'est-à-dire que c'est un réalisateur qui a tourné au Québec, mais qui a aussi tourné. Je vais pas nommer de pays parce que j'ai pas la confirmation, mais dans un pays d'Afrique du Sud, dans un pays d'Afrique noire, de type Congo ou quoi que ce soit. Il a tourné dans le Nord. Il a aussi tourné au Maghreb, un film qui s'appelle La Cité, avec notamment. Claude Legault, que j'ai pas vu malheureusement. Donc c'est quand même un cinéaste qui a une volonté d'exploration qui n'est pas courante chez nos réalisateurs. Une volonté d'aller ailleurs, Ouais, puis un intérêt mais. pour cet ailleurs-là, Ouais, cet mais. extérieur-là. Une raison pour laquelle j'ai pas vu Rebelle, on en parlait il y a quelques années, toi et moi, c'est l'idée que. Un jour. En fait, on peut. faire un lien avec Mark Zuckerberg, un genre de tourisme comme détaché, un genre de raconter les histoires des gens à leur place. Moi, tu me parles de rebelle, c'est fait par quelqu'un qui est déconnecté de cette place-là, de ce qui se passe, de cet endroit-là. Je me dis, bon, quelqu'un encore qui fait un film où il n'y a pas d'affaire à être. J'aimerais ça voir, comme mettons, c'est quoi le film que j'ai pas aimé, là? Beasts of the Southern Wild, qui est un film qui, d'après moi, déconnecté des réalités que ces gens-là vivent. C'est fait par des Blancs qui prennent des caricatures grotesques parfois dans ce film-là. D'après moi, là, on pourra argumenter. C'est important de dire que t'as quand même pas vu ni l'un ni l'autre des films. J'ai vu Beasts of the Southern Ah, ok, Wild. excuse-moi. J'ai vu Beasts of the Southern Ouais, ok. Wild, puis j'ai pas aimé ça. Mais D'accord. j'ai pas vu Rebelle. Mais parce que Rebelle, j'ai pas cette envie de le voir à cause de ça. J'aime ça que je préférais avoir des histoires racontées par les gens qui y vivent. Je Écoute. comprends, mais tu sais, j'en ai parlé avec un de nos anciens profs de cinéma, Georges Dagneau. Salut Georges. Où il disait, l'important, c'est la recherche qui est faite. Puis l'authenticité qui va être véhiculée. Puis c'est correct. Ça se peut que je me trompe à propos du film, mais j'ai quand Ça, même une réticence, on j'allais s'entend. dire, écoute, ça sera peut-être le sujet d'un podcast futur. Ah, peut-être, peut-être. Vu que je l'ai dit que j'ai pas vu. Là. Ouais. Mais ça, c'est pas. C'est juste. En tout cas, c'est pas un film qui m'a enchanté, To Lovers and the Bear. J'ai pas perçu quelque chose là-dedans qui m'a vraiment titillé intellectuellement. Mais de la manière dont t'en parles, c'est vrai, oui, c'est un film qui a beaucoup de variété en fait. Un peu comme l'album de Protest Your Heroes. Il passe d'un mode à Ben, on l'autre. peut dire une liberté. Ouais, une Il liberté. emploie le style qu'il sent qu'il a besoin d'employer à ce moment, à tel ou tel moment du récit. Une liberté, mais avec quand même un souci de garder le spectateur investi dans un récit très, t'sais, compréhensible et accrocheur sur le plan émotif. Qui, en tout cas, définitivement a fonctionné avec mon épouse avec qui je l'ai regardé, puis qui. De son côté aussi, a trouvé que les critiques à l'égard du film, ou la certaine indifférence à l'égard du film était un peu étrange. Mais tu n'es définitivement pas le seul à avoir pensé que c'était un film qui était pas si enchanteur que ça, pour reprendre ton mot, puis Ben, je comprends pourquoi toi tu l'as aimé. C'est une bonne justification. Tu as juste aimé le film moment par moment pas mal, ouais. où ça t'amenait. Moi, je lis pas des films tout à fait de même, à moins que ce soit un film d'action poche, là, que je Ouais. sais que. Ah là, on s'en fout de ce que le film il dit, on sait que c'est de la merde. Ça fait que. Qu'est-ce qu'on va se recommander pour la prochaine fois, mon cher Gabriel? Ok, veux-tu que. Ben, je vais te poser une couple de questions. Ah ouais. Parce que, est-ce que tu serais prête à lire quelque chose de long, comme peut-être une BD de 3000 pages à peu près? Ça se lit bien. Aïe, aïe, aïe, aïe, c'est un projet dans lequel tu m'en vas. Est-ce que tu as une autre suggestion? Puis celle-là serait pour dans deux épisodes. Ben, je pourrais te suggérer quelque chose d'autre, mais j'ai vraiment envie de te suggérer ce que je vais te suggérer. Vas-y donc, va. Ça te tenterait-tu de lire Oyasumi Punpun, un manga? Oh my! Ok. Ben écoutez, le concept du podcast étant que on est pas mal contraint à suivre ce dans quoi. L'autre veut nous embarquer. Je vais accepter la proposition. All right. Et de mon côté, puisqu'il a été mentionné quand même récemment que tu n'avais jamais fini par l'écouter, puis que ça me semble un peu incontournable pour la suite des choses, je vais te recommander To Pimp a Butterfly de Kendrick Lamar, l'album de 2015. Ok, là, moi, il va falloir que je me pousse vraiment à lire les paroles de manière profonde, parce que les interprétations que tu as faites des paroles de Protest the Hero sont vraiment solides. La barre est haute pour moi, man. Je suis ravi de l'entendre, puis moi je sais pas si 3000 pages vont me permettre de faire une lecture aussi profonde ou juste va falloir que j'y aille en mode express, mais on va y aller. Donc, juste pour finir, Protest the Hero est disponible en écoute gratuite, admettons, sur Spotify. Vous pouvez trouver l'album sur Bandcamp. Vous pouvez probablement l'acheter dans un disquaire quelconque, mais c'est un album qui a été fait a priori pour le public Internet. Il y a une version sur Bandcamp, si je ne m'abuse, qui est aussi instrumentale. Donc, c'est ça, il est disponible. On s'entend que ce serait une étude, une écoute qui fonctionnerait quand même très bien sans. Même si on a parlé beaucoup des paroles, ça pourrait très bien se tenir sans l'aspect littéraire de la chose. Et To Lovers in the Bear, moi, je l'écoutais un DVD que Louis m'a prêté. Ouais, j'aimerais dire que je suis informé des plateformes numériques sur lesquelles il est disponible, mais malheureusement, je vais m'assurer de le faire la prochaine fois. Ouais, c'est ça. Donc, si vous nous avez écouté jusqu'au bout, merci de l'avoir fait. J'espère qu'au minimum, on vous a donné des idées intéressantes sur les objets desquels on a parlé. C'est quelque chose qui va se reproduire à chaque mois, si les choses vont bien. Ouais. Puis, ça ne sera que du bonheur. Que semaine du bonheur. Après semaine, mois après mois. Que du bonheur? Ouais. Attendez, pun pun, man. Ciao. Ciao.